Maximum, la nouvelle musique à 100 maximum avec une nuit de fou qui se prépare. Je résume la situation. Pendant 8 heures, entre 1h et 9h du matin, on va péter les plombs à 100 maximum avec tous ceux qui ont fait maximum, tous les auditeurs qui ont fait maximum et qui laisseront un souvenir certain dans nos mémoires. C'est maximum, donc. Il y aura quoi cette nuit? Attends, il y aura quoi cette nuit alors? Il y aura des jingles à blanc pour tous ceux qui veulent enregistrer les jingles. Il y aura des anciennes promos du début de Maximum avec les nouvelles musiques et tout, vraiment le vieux truc. Il y aura des extraits du bêtisier. Il y aura des jeux avec des double X. Des double X, des cadeaux, tout ça. Il y aura même un Star Mix. Ouais. Il y aura des double jeux avec des gens qui travaillent sur d'autres radios maintenant. Ouais. Qui ont travaillé chez nous. Ouais. Même des gens haut placés. Ça, c'est possible. C'est possible, ça. Tout est possible ce soir. C'est comme à la SNCF. Ouais. Répète le mot nouveau, nuit de thérapeute. Allez, il est 1h du matin, salut tout le monde, joyeuse nuit et un seul message, faites des cassettes. La nouvelle musique avant tout le monde. Maximum. folle. Elle colle. Elle colle. La musique. La musique sur Maximum. Bonsoir à tous, salut, pas tant de géants de transistor. Salut, avec Toto, c'est Théo. Avec une nuit délirante. C'est la nuit des héros jusqu'à 9h du matin. La nuit des héros sans Laurent Cabrol. Ah non, parce que celui-là, en plus, on l'a mis dans le fossé pour le mettre de côté. Et en plus, vous allez voir les surprises qu'on va vous faire. Vous n'allez pas en revenir. Ça, c'est la bonne année avant la bonne année, Maximum. Les sentiments avant tout le monde. En tout cas, il y aura des promotions d'il y a facilement 2 ans, puisque 2 ans d'expérience ont toujours fait la différence. Et vous allez voir les remix exclusifs de Maximum. Les signes sont appelés à l'époque les Maximix. On va s'en mettre aussi pour ceux qui archivent et ceux qui font ça sur leur cassette toute la nuit. On va pas gêner pour en mettre. Il y aura des fausses pubs, il y aura des bêtises, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis dans combien de temps? 10 minutes? Oui, un double X. Ah bah alors, on va se gêner. Le premier double X. Avec des extraits de chansons qu'il va vouloir reconnaître. Et là, vous allez gagner, on va voir. Soit du vol au vent, soit 1 kilo de tarama. Alice in America. Cartonne sur Maximum. Maximum, le titre qui cartonne cette semaine, Fiction. Ce sera le dernier disque qui cartonnera sur Maximum avec Fantasy World. N'oubliez pas, dans 4 minutes, à 1h20 pile, le double X qui faisait gagner à l'époque 10 000 francs. Ouais, une brique en une minute. Ouais, mais là, bon, ce sera pas 10 000 francs. Ce sera tout simplement un CD. On fait ce qu'on peut. Hein. On avec les moyens. Un CD de Lisa and the Cold Jam. Hein. Dance Pool Sony. Et puis il y aura. Ouais. Oui, il me reste du Tarama si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Je peux le faire gagner. Ok, on va faire ça. Un kilo de Tarama. Et puis juste avant, une curiosité. La première soirée Maximum de tous les temps, c'était il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, le 21 décembre 1989. C'était au Boy. Et c'était Fred Rister qui vous la présentait. Écoutez ça, c'est un document exceptionnel. Maximum et le Boy sur satellite. Jeudi 21 décembre, Maximum lancera sa première soirée Maximum en direct du Boy. À partir de 23h en non-stop dans le club le plus branché de Paris, vous retrouverez Sybille, Kate B et Lil Louis. Une soirée chaude, diffusée en simultané dans le Boy, 6 rue Caumartin, Paris 9e et partout en France sur Maximum. Jeudi 21 décembre, la première soirée Maximum en direct du Boy à Paris. Entrée 50 francs. Écoutez Maximum pour gagner 100 places gratuites. Les soirées Maximum commencent. Maximum, l'un des premiers hits de Deep House, Innocence, Natural Thing, découvert par Max. Et puis le double X. Double X. Avec le 40-39-09-09. 16-1-0-0-33-40-39-09. Pour la Belgique et la Mongolie extérieure. Et ceux qui seront sélectionnés, c'est-à-dire celui qui jouera avec nous, eh ben, ce sera de préférence celui qui nous donnera la date de naissance de Maximum. C'était le 89. On vous aide un peu, on vous donne l'année. On aurait pu vous donner. Oh non, mais chier quand même. Enfin bon. Alors, on y va et on se dépêche au 40-39-09 deux fois. C'est Philomax en attendant. Holy Noise! Still alive. Still alive. Allô Arnaud. Bonsoir. Tu vas bien? Alors, tu vas faire quoi pendant les fêtes, Arnaud? Je suis SVP, j'ai eu beaucoup d'appels et j'ai remis ma cravate. Ah ouais, j'ai non, beaucoup mais les enfants, c'est jusqu'à 9h que ça se passe. Les appels, là, on a pété le standard. Donc, comme on dit régulièrement avec Bruno Dex, les mousquetaires, c'est vrai. Les donc, mousquetaires, vous devrez rester toute la nuit avec nous. De toute façon, il y a des tas de trucs à gagner. Et on commence par les moins, évidemment. Là, c'est un CD single. Après, il y aura les albums. Puis la Porsche de Serge Rep. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va. Alors, Arnaud. Alors, le double X, tu connais? Tu connaissais déjà Maximum à cette époque-là? Ouais. Alors, on y va? Ben, on y va. 10 extraits de musique, et tu me reconnais les extraits pour gagner. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Et puis, on va voir selon ta performance si tu gagnes ou pas, parce que c'est nous les jurys. Allez, on y va! C'est parti. Merde. Non, non, c'est pas lui. Dorothée. Oui. Alors là. NC Music Factor. Joli. You win. Comment ça s'appelle cette connasse? Merde. Pas de grossièreté. Zia, Zia. C'est là, c'est Lim, c'est bon. Gros mauvais. Mais c'est les merdes de Belgique, ça. Attends. Ça, c'est DNA. Oui, ça fait 3 déjà, c'est pas mal. Ouais, bon. Écoute ça. C'est Mikado, non? Ok. Et ça? Oui. Oui. Tout le monde connaît, même le prisonnier. Sonia. Oh là là. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est. Je fais du lifting toute la journée. Alors, Arnaud, 4 bonnes réponses. Sur 11. Ouais, t'as trouvé CNC, Black Kiss, DNA et Serge Gainsbourg. Bon. Et il y avait Captain Sensible. Oui. Il y avait donc CNC, Black Kiss, Léon Highwood. Il y a aussi Toby Smoosh, DNA, K0, Serge Gainsbourg, Dr. Fibes, Sonia Roach et Kim Wall. Voilà, 4 sur 11, c'est pas la moyenne, mais je vous dis bravo. Le CD single de Lisa Leza, and the Cold Jam, Miss Grenichon, il est pour toi. Et on va pas se gêner pour te l'envoyer par la fenêtre. Et c'est notre premier gagnant d'aujourd'hui, Arnaud. Bravo Arnaud. Est-ce que tu peux avoir une photo dédicacée de toute l'équipe? Ah, bien sûr, mon vieux, c'est le genre de la maison, tu sais très bien. Oui, Fredo, tu vas donner l'heure. Bravo. Vas-y Fredo, donne-leur. Et maintenant Arnaud, tu vas te foutre à poil. À poil. La nuit des héros jusqu'à 9h du matin, on va péter les plombs à son maximum. A plus Arnaud. A plus, bye. Salut. Nouvelle musique. Ah, c'est la fête ce soir. C'est la fête. Maximum, c'est non censuré jusqu'à 9h du matin. Et rappelez-vous, c'était le 23 octobre 89, une promo Nouvelle Musique. New Music First. Cette semaine, Maximum. C'est nouveau et c'est pas... Technotronic. C'est moi. Telex. Exposé. N'oubliez pas, pour la New Music avant tout le monde, restez sur Maximum. Maximum. La radio des années 90. Maximum. Like the wind to be free again. Maximum en cette nuit, mes frères, avant-dernière de 91 et même dernière, bah oui. Christopher Cross repris par Ride Like the Wind avec East Side Beat. It's a beat. Et après, il y aura la compile de Marcel Amont. Et après ça, il y aura un truc fabuleux. C'est le remix de Gold Mix. 1er avril 91. 90. 90. Ah, car encore plus ça. C'est le Gold Mix uniquement sur Maximum parce que nous, quand on pète les plombs, on le fait à fond. Et CNC Pride. Back in the club. qui l'accompagne? Maximum, on s'est toujours différencié. La preuve en est faite. Là, c'était le Golden Mix du 1er avril 1990. Super crunch. Oh, bon, alors crunch, c'est une production Baby Hardcore. Alors, avant de passer à un autre truc, on va vous faire écouter un morceau de bêtisier, parce qu'on va vous faire aussi des double X et des bêtisiers. Alors là, c'était un grand moment. C'était notre directeur des programmes, vous savez, qui vient s'essayer à faire des liners. Mais ce mec-là, il est pas du tout fait pour ça. Michael Bourgeois. Voilà. C'est grâce à lui que vous avez pu écouter depuis 2 ans sur Max les nouveautés dans tout le monde. C'est lui qui a la feuille. C'est lui qui a testé des disques. Ben, un jour, il est venu faire ce qui était pas du tout son métier, c'est de refaire des essais de liners. Alors, on vous les met juste 30 secondes. Et alors, tenez-vous le bide. Maximum, réveille la musique. Ça bouge dans la musique, maximum. Remets-toi un max. Oh, c'est nul ça. La radio express, maximum. Ça bat la mesure. Oh, l'autre. Quand ça pulse, c'est maximum. Qui c'est qui a fait ça? Tout nouveau, tout chaud, maximum. Pressez bien votre Walkman pour que le nouveau jus, maximum. D'accord. La musique fait peau neuve, maximum. Moi, celui-là, il est bien. La musique fait peau neuve, maximum. Maximum. Maximum. Maximum. Avec 2x. iconic playboy. Maximum Space Track Atomic Playboy, here we go! Et en plus, cette nuit, la parole est à tout le monde et même aux gens qui écoutent Max, quoi, comme Jeff et David. Jeff et David! Jeff et David, ils sont pas là, mais ils sont où, Jeff et David? Christine! Bah ouais! Ah, Christine! Ah, je m'étais gouré d'une ligne! Ouais, celui-ci. On est ici, on est à l'écoute. Tu vas bien, Christine chérie? Ouais, alors, qu'est-ce que t'avais envie de dire ce soir? Ah bah rien de spécial en fait, rien de spécial, je vais juste souhaiter une bonne année, 92, oui. À tous les fans de Maximum et dans toute la France, parce que je crois qu'on est, vous êtes, on est à l'écoute, toutes les villes sont à l'écoute de Maximum. Tout à fait, Robert. Tout à fait, Jean-Pierre. Donc, je passe sur Paris ou bien partout? Partout en France. Ah, c'est cool. Oh là là là. Jusqu'au 5 janvier. Eh bah écoute Christine, on va te faire un méga câlin. J'ai pas vu. Ok, eh ben on t'embrasse. Ok. Salut Kristen. Salut. Jeff et David, ils sont là ce coup-là. Ouais, je suis là. Oh ouais. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, demandez de la part de la 6ème 4 pour Mathurin, Francis Cabrel, la petite Marie. Bon, vas-y. Quand même. Alors, vas-y. Je voulais dire quand même qu'il y a des injustices un petit peu partout et tout. Bon, il y a des gens, on leur retire leur sac à main, tout ça. Oui. On nous retire Maximum. Ah bah oui. Je dis nous, tous les maximaniacs. Hein. Oui. Alors non. Alors surtout, bon bah, on va pas pleurer. Non. Certains, oh, c'est pas notre genre, non. Mais bon, j'écoute plus la radio, c'est fini. À partir d'ici, j'écoute plus la radio. Menteur. On n'écoute plus la radio, c'est sûr. Non, donc, mais vous allez voir qu'on reviendra. Les disques, on va les chercher chez nous-mêmes maintenant. Ouais. Et puis on va piquer les boulons dans nos chambres. Voilà. Les enfants, voilà. C'est super sympa d'avoir appelé. Pas tout, hein, petit. Eh ben, en tout cas, rigoler au moins toute la nuit parce qu'on est jusqu'à 9h du matin avec Octo et avec Joachim et Malia. D'accord ? Allez, on vous embrasse. Maximum. Ouais. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et Lionel, il aime bien Maximum ? Ah, moi j'adore Maximum. Lionel Safré, 9h, 13h tous les jours sur Max. Comment il va ? Coucou, il va très bien. Toi, tu vas te coucher, toi. Je me couche et je vous demande rendez-vous demain à 9h. D'accord, ah oui, 9h l'antenne. Oui. Ma petite poule, tu prendras juste après nous, tu ramasseras les éponges et les pots de bananes. C'est la même, ouais. D'accord. On essaiera de continuer le même dîner que cette nuit. Je vous souhaite une très très bonne nuit à tous les Maximaniacs et à vous, chers amis Pat et Cocteau. On t'embrasse, ma poule. Bon salut, Lionel. À plus. Ciao. Avec le double I double X. avez demandé Maximum, ne quittez pas. Avant, j'étais branché à fond sur Skyrock. Maximum, moi, je trouve tout ce qu'ils vous mettent, c'est plus moderne. C'est vraiment, c'est dingue, votre radio. Mais il manque une émission sur la cuisine antillaise. Tous les bons mix qu'il y a, vous avez, là, ça, c'est super. Vous n'allez pas essayer de devenir banal comme les autres radios, j'espère. Je pense que je vais rester sur Maximum, parce que c'est vraiment génial. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Max Music. Par satellite. Partout en France. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. Avant, j'étais branché à fond sur Skyrock. Maximum, moi, je trouve tout ce qu'ils vous mettent, c'est plus moderne. C'est vraiment, c'est dingue, votre radio. Mais il manque une émission sur la cuisine antillaise. Tous les bons mix qu'il y a, vous avez, là, ça, c'est super. Vous n'allez pas essayer de devenir banal comme les autres radios, j'espère. Je pense que je vais rester sur Maximum, parce que c'est vraiment génial. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Maximum, que vous soyez à Poitiers, Perpignan, Pau, Limoges, Cherbourg, La Rochelle, Chartres, Besançon, Angers, Toulouse, Toulon, Paris, Nantes, Clermont-Ferrand, Marseille, Bordeaux, Mazamet, etc. Même en Allemagne, il y a des gens qui nous écoutent par satellite. Oh, j'y crois pas, ça. C'est la nuit. Ils appellent en Allemagne. La nuit des tarés jusqu'à 9h du matin. Et sachez qu'à 2h10, il y aura le double X, le fameux double X pour gagner un sac. Alors, Maximum. On vous en prie, n'appelez pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Le sac Maximum, gratos. Ce sera tout à l'heure le double X avec l'ancien jeu de Max. Il y aura aussi des Maximix, remix exclusif de Max vers le quart de l'heure. heures. Et puis il y aura des bêtisiers, on vous reprendra à l'antenne pour vous puissiez dire bonne année à tous vos potes. Et surtout, dire, à 3h du matin, chose exceptionnelle. Il y aura 3 minutes de jingle, de liners maximum à blanc. Donc pour les cassettes, c'est clean. Ça va tourner. 2h pile, la nuit des tarés. Les années maximum commencent. Maximum. Nouvelle musique. Pas du toc. Maximum. Of beauty in our wonderful world, You offer more pleasure than the symphony orchestra. Let us listen. Maximum, étant donné que le bonheur ne vaut que s'il est partagé par tous, ce soir, tout le monde est là, tous ceux qui ont fait maximum, vous les auditeurs et surtout les animateurs qui sont passés, qui sont très passés par ici, dans nos studios avec les petits boutons et les petits doigts bout, tout vous dîner. Et sur l'autoroute de la nouvelle musique, et il y a eu quelqu'un qui s'appelait PO et qui est là avec nous ce soir. Salut PO. Salut monde de Donc, vous le connaissez peut-être de nom parce que c'est celui qui travaille maintenant sur Fun Radio et qui est juste derrière Arthur. Eh ben dis-le mon petit PO, ouais. T'es classe, tu les as fait à Maximum et même avant sur Aventure, parce qu'avant c'était Aventure avant Maximum. Ah ouais, mais Maximum c'était carrément mieux quand même quoi. Ah bon? Ah ouais, c'était carrément cool de les lire quoi. Et alors qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Parce que moi je me souviens, on a fait des bourres ensemble, on a mangé de la pizza même, si je me souviens. Donc on était vachement intime parce que quand on mange de la pizza, faut... Hein? Bon, alors, c'est des trucs cool, tu faisais 21h-1h. Ouais. Et puis moi je passais juste après, de 1h à 5h quoi. Et alors qu'est-ce que t'as comme souvenir un peu précis de cette époque-là, Maximum et Maximum? Des trucs bien délire, des mecs bien délire comme Luc de Chorme. qui travaillait sur Energie avant. Et avec et puis qui est venu chez nous et qui est pas resté longtemps d'ailleurs. D'ailleurs on lui dit un petit bonjour. Ah ouais, on leur dit un petit bonjour quand même. Ah, Luc, salut Luc, si tu nous entends. Et si tu nous entends de ta radio, sache que. Et que penses-tu de la fin de Maximum, mon cher PO? C'est dégueulasse, c'est complètement odieux quoi. C'est une façon de s'exprimer en plus, côté une nouvelle musique. Ouais, bah c'est complètement dégueulasse quoi. Ça me fout carrément les boules et c'est à gerber par terre quoi. Bah écoute, c'est vrai que le pluralisme est pas servi ici en France, on commence à se demander d'ailleurs. Non, c'est pas cool parce que tu sais, on a beau bosser sur une autre radio, ça fout quand même les nerfs quoi. Bah oui, surtout quand on y est passé avant quoi. Ouais, c'est aigri quoi. C'est aigri, ouais. Ça pue un peu de la chatte quoi. C'est clair quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'embrasser la petite poule. Bah moi je vous embrasse, ouais. Très bien, vous pulsez jusqu'à dimanche soir. Ok, bah bon vent à toi. Vous oubliez un petit peu tout ce qui risque de se passer un petit peu par la suite quoi. D'accord. On t'embrasse PO, à bientôt. Salut PO. Salut. Et puis le double X, ce sera pour tout à l'heure d'ailleurs. On se le fait tout de suite. 40 39 09 09, vous appelez au standard. Too much to bear. She bows to the pain of wonder. She bows to the man she's under. Sold her the truth. Gave her a lie. She longs for the one. Maximum, Terry Ronald, What the Child News. Oh, c'est beau ça. Ouais. La croisière s'amuse, mon pote. Guitar check, check this out. Double Yeah. Spectrum Brésil. Alors, les amis, c'est que vous avez dégusté, mais juste avant, attention, le double X. Et alors là, c'est pas n'importe quoi. C'est avec Thierry. Vous avez bien Thierry. Salut Thierry. Salut. Ouais, bienvenue dans les Nuits des Tarés. Ici, le Tunnel of Love. Si tu nous gagnes un double X, pour toi, on a un sac maximum. Un sac maximum. Ah, hein? Un sac à main maximum, c'est ça? Non, un sac à main, attends. Boîte Boulogne y compris, avec frais de port et vignette. Ah, un sac maximum non, un sac qui valait. Maximum, un sac à dos qui valait au départ 300 francs. Ouais. Et après, il y a eu des promotions parce qu'on commençait à fermer. Il a valé 199 francs. On a forcé la porte du stock avec les pieds, donc à la limite, ça vaut plus rien. Okay. Donc maintenant, c'est juste pour vous. C'est gratuit maintenant. Ah, mais c'est super. Donc bon, voilà. Double alors, X, il faut le mériter. Maximum, hein. Ouais, il faut le mériter avant. Il faut le mériter, mais d'accord. Bon, alors, maximum, Maximaniac à fond. À fond. Bon. À fond. Tu le sens bien alors. Si c'est pas trop dur, c'est bon. Non. Il est hyper dur. Il est hyper dur. Il est hyper dur. On y va. Shout it out. Oui, je connais. One, two, on the line. Trop tard, Amnesia. Ouais. D'où ça sort ça? Ah, je la connais elle aussi, je connais qu'elle. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah oui, I just wanna be close to you, c'est comment il s'appelle? Max. Encore elle? Oh, c'est pas vrai, Kim Wilde. Pétasse. Ouais, ça fait deux, ça. Ah. Oh là non, il est cliqué. Ouais. Vous récantez. Yeah. T'avais le droit de pas le trouver, ça. Ouais, ouais. Avec une coupe au vol. Ouais. comment il s'appelle là? In Zaire Business. Oui, In Zaire Business, ouais, c'est ça. Reconsider. Double X, il a gagné 4. 4 titres. 4 sur 3. Donc il y avait Amnesia, LCO and Cindy, Niobe, Camel, Maxi Priest, oui. Kim Wall, Mori Kanté, les farms avec la coupe au bol. Alors, la coupe au bol. Ouais. African alors. Business, ouais. Oscar et le dernier truc fou. Ouais. On avait dit moins de 5, c'est à Camembert chaussée au moine, mais t'as le 5 maximum quand même. Ouais. Ah, c'est la fête. Marcel Baliveau, bravo. Ah ouais. Surprise. Les caméras étaient là. Thierry, le sac Maximum est pour toi. Bravo Thierry. Et là, je peux dire que ce sera un collector parce que vu que Maximum va disparaître, ouais, évidemment, donc tu vas pouvoir. Tu peux dire un petit mot à propos. Vas-y. Tout à fait, Robert. Bah, je vais dire la même chose que PO, c'est dégueu. Oui. J'ai gerbé partout ici déjà. Bon. Des radios, il y en a assez, c'est toujours les mêmes. Mmh. La seule qui se distinguait, qui était la meilleure, hein, la surplus, et belle dégage aussi. Eh bah oui. C'est dégueulasse. Voilà. Ça doit être sûrement politique, en fait, il faut pas en parler, quoi. C'est tout à fait, c'est politique, on peut le dire. On en parlera pas parce que ça sert à rien et en plus. Oui. Puis je veux dire, voilà. C'est la nuit des tarés, on a dit. La nuit des tarés, sans Maximum, sponsorisé par Willy Tapis Moquette. Bonjour à tous. Quatre voix mystères de stars hyper connues. Très difficile et vice-versa. Vous les trouvez et vous gagnez le cadeau mystère de Maximum. Il n'y a pas de problème. Il est tellement mystérieux que nous-mêmes, nous ne le connaissons pas. Écoutez les mecs, j'ai rien pu faire pour vous. Cheminée. Steve Austin est dans la cheminée. Oui, bien moi. C'est sur Maximum. Oh yeah. Public Enemy. Maximum. ras-le-bol du top. Voici du bonheur. Et pas du top. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est pas assez beau, non? C'est le requiem pour un coup. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pour con. Maximum avec le remixque exclusif de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, c'est une belle histoire ça. Oui, c'est vrai, c'était en octobre 90 lorsque Michael Bourgeois, qui écoutait dans son bureau, directeur de Bourgeois, directeur des programmes de Maximum, programmes qui écoutait le disque dans son bureau, et Joachim Garraud est arrivé, Joachim Garraud, remixeur de Maximum, et il a dit tiens, faut faire un remix comme ça. Il a fait le remix avec la boucle de Soul to Soul, le mix de Serge Gainsbourg. À partir de là, le producteur a été enchanté, il a dit c'est fou. Est-ce que vous avez eu du mal à faire votre remix, monsieur Joachim? Non, mais je ne l'ai pas fait tout seul. C'est-à-dire que Cocteau était avec moi et il m'a donné toute l'inspiration, surtout entre minuit et demi et 1h10, ça me vrai. Et il faut quand même dire que après c'est sorti dans le commerce avec une autre version, puisque la maison de disque a piqué carrément l'idée et l'a sorti pour son propre compte. Et qu'il faut dire que heureusement qu'ils l'ont sorti, parce que comme ça on a pu s'apercevoir que le nôtre était vachement mieux. Et c'est ça quand même, ça fait plaisir et chaud au cœur. Tout à l'heure, en direct, il y aura à 3h du matin des jingles à blanc de Maximum avec la musique de films télé et tout. Bah, vous allez voir, c'est des trucs exclusifs qu'on n'entendrait jamais plus. Et il y aura aussi, bien, hein, à moins le quart, des gens qui seront à l'insert en direct et qu'on parlera avec eux. Et même qu'on parlera avec eux. Ça veut dire quoi un insert? Quand tu dis les gens sont à l'insert, les gens ne comprennent rien. Ah oui, c'est vrai. On parlera au téléphone direct avec des gens. Voilà. Mais j'avais raté ma subordonnée relative. Parle comme Foucault. Non, mais moi, tu sais, les compléments d'objets directs, parle c'est pas comme mon truc. Foucault. Et juste avant une surprise, encore un truc bêtisier. 2h30, un autre bêtisier du 1er avril 90. C'est le bêtisier avec toutes les petits bouts des pubs, enfin des fausses pubs qu'on fait ici à Maximum. Tous les ratés, quoi. Toutes les rushs, comme on dit. Avec les journalistes, on fait un petit bouzou à Justine Buisson, à Hélène Zélani, à Cathy Coulet et à ceux qui étaient là aussi avant. Valérie Zisman, Catherine Laurent, Sarah Denis. Oh ouais, on les embrasse toutes. Maximum. C'est parti. Vous partagez avec nous le même amour de l'aventure. Vivez avec nous le 13e. Oh putain, merde. C'est nul. Deuxième. Vous partagez avec nous le même amour de l'aventure. Vivez avec nous le. Oh putain, mais c'est pas vrai. C'est nul. Troisième. C'est parti. Non, t'inquiète pas. Mais... Vous partagez avec nous le même amour de l'aventure. Vivez avec nous la 3. Il faut que j'y arrive jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi je fais le. Quatrième. Vous partagez avec. Non. J'ai fait rire. Bon, retourne à zéro, là. Un baladeur compact Dix. Je recommence, là. Un baladeur compact Dix. Stop musique. Sixième. Stop musique. Septième. Stop musique. Huitième. Stop musique avec Laurent Bromède. Stop musique. Sixième. Stop musique. Septième. Stop musique. Huitième. Stop musique. On va y arriver, hein. Partagez avec nous la même amour. Dixième. Est-ce qu'il faut pas que j'attende qu'elle meure un peu plus? Est-ce qu'il faut pas que j'attende de la... qu'elle meure un peu plus? Est-ce qu'il faut pas que j'attende de la... qu'elle mourisse, qu'elle meure un peu plus? Est-ce qu'il faut pas que j'attende de la... qu'elle mourisse, qu'elle meure un peu plus? Ok, maintenant. Non, c'était trop court. Ok, maintenant. Non, c'était trop court. Ok, maintenant. Non, c'était trop court. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, maintenant. Non, c'était trop court. Ok, maintenant. Non, c'était trop court. Ok, maintenant. Non, c'était trop court. Qu'est-ce que je fais? Je prends derrière? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je prends derrière? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je prends derrière? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je prends derrière? Ouais. Attends, je dois router là. Un baladeur compact Dix. Un baladeur compasse Dix. Compact disque. C'est chiant à lire, hein. Je refais. Un baladeur compasse Dix. Ok, c'est bon, je la garde celle-là. Pas la tête, pas la tête. Maximum. Maximum. C'est le groupe Estatique, c'est le titre. Zendrofa. Maximum, sachez qu'à 3h du matin, il y aura 3 minutes, voire 4 minutes de jingle maximum à blanc. 3,57. 3,57 et 58 centièmes. Donc ça va donner pour ceux qui veulent les attends, j'ai envie. Maximum. Oh putain, ça fait du bien, ah ouais, je te le dis. Faut profiter. Hein. Il y a des envies pressantes dans le musée de CD, quoi. Ah oui. Alors, on est là toute la nuit. Cocteau, Patanjali, Joachim, Emma, Aléa. Et je vous en tire que c'est pas elle qui bosse le moins parce que le standard, on n'a jamais vu ça. Même à 18h15, je sais plus qui c'est. kiffé cette tranche là d'ailleurs. Et alors je peux vous dire que jusqu'à 9h hein. Jusqu'à 9h c'est la nuit des tarés sur Max. Avec des tas de choses, les bêtisiers, avec des trucs exclusifs, des jingles à blanc à 3h tout à l'heure, comme on vient de vous le dire, des gens à l'antenne dans 10 minutes à peu près. Des sacs à gagner, il y a plein de trucs, des cadeaux. Des cadeaux, des disques à gagner. Et de la musique avant tout. Ta furie. Some with curls. Body's creeping, looking tasty. The sun is out and I'm on the chase because I'm looking for one to spend the night with. The sex is on the agenda. To kiss him and snuggle him and hug him and be up above him. Body's dripping with sweat as I love him. And I'm talking about all night action, a sex marathon in an orderly fashion. And I ain't one to come and go quickly. I'm talking about all night strictly. And when we're done, I'll leave so I can relax and take time to breathe. But after that, I'm back on the set, looking for the next female to get wet. Ain't the place where you should be standing, cause I'm on the stage with the mic in my hand and everybody's gotta do something. And I ain't talking about faking and fronting, acting like you're too smooth to move when I know I got the slamming crew. Maximum MDC statique. Body talk, we can work it out. Maximum, si vous voulez vous exprimer, si vous avez participé à Maximum, si vous êtes auditeur, aussi bien auditeur qu'animateur. Pas tous à la fois, moi j'en peux plus. Oh ouais, Malia, reste couché sur ton paillasson. Vous faites le 40 39 09 09 16 1 00 33 pour les fous. Pour le Siam. Et venez vous exprimer, ouais. On est là pour ça jusqu'à 9h du matin. Et on parle dans 5 minutes, on semble au téléphone, et juste avant, une petite surprise, avant RSF et un disque. Allez, vous savez les promos découvertes quand on vous fait. Écoutez, c'était le 26 avril 87. Avant toutes les autres. Radio. Voilà. Et on passe un disque avant tout le monde et on vous donne la date, c'est pour vous dire qu'on a passé ça avant tout le monde. Et ben avant, il y a les passages en studio de production pour essayer et ça marche pas du premier coup. La preuve, Dom Dom Perrin essaye de présenter Lisa Stanfield. A good day. Maximum, site levé, site branché, site nouveau, site sur max. Lisa Stanfield, we can do that. I'm blocking. Maximum, si vous êtes passé derrière la case et que vous avez pas vu que c'était le départ, c'est parce que derrière c'était arrivé avant tout le monde. Maximum, et même que François Valéry ne le sait pas, mais c'est déjà sur Max et dès ce soir, Lisa Stanfield. Dom Dom Perrin imite Lorenzo Pancino. Hey Charlie, c'est qui ça? Ah, bon, c'est Lisa Stanfield. Maximum, avec mes amours, mes petits bébés, et oui, une nouveauté, Lisa Stanfield. Maximum, 7h23, le jour se lève, et Lisa Stanfield aussi en nouveauté, You Can Deny It. J'ai toussé. Maximum, vous enfilez votre slip et vous enfilez une nouvelle nouveauté, plus que mieux nouvelle, Lisa Stanfield. Maximum, j'en ai marre de faire ça. Maximum. Maximum. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Me.

Maximum, bienvenue dans un monde mystérieux, celui de la nouvelle musique. Raph, we gonna get hier jusqu'à 9h du matin. On va péter les plombs à la maison en train de faire un barbecue familial. Ouais. Avec toutes les anciennes promotions de Maximum depuis sa création en 89. On a amené la guitare, on va jouer la bamba tout à l'heure. Ouais. Baila, baila, la bamba. Des bêtisiers, il y aura aussi donc encore un double X. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Des cadeaux. Des disques. Et des auditeurs à l'antenne. La Porsche de Serge Rep. Et puis les auditeurs à l'antenne, tiens, on va se faire un petit paquet là. Gabriel. Oui. Il va bien ? Salut Gabriel. Bon. Bon, déjà, avant tout le monde, ça se fait pas, mais nous on s'en fout. Bonne année déjà. Merci. 1990 nudes. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'avais envie de dire ? Bah voilà, je veux juste dire que Maximum, ça a été vraiment une découverte pour moi. Ouais. Maximum, pour moi, ça a été un changement. Ouais. Maximum, c'est vraiment super. Bon. Merci Gabriel. Eh ben Gabriel, c'est court parce qu'on a plein de gens. Ouais. Donc on t'embrasse et puis on te remercie d'avoir appelé. Fais des cassettes. Fais des cassettes parce que tu vas rater. Salut Gabriel. Salut. Eric. Oui. Il va bien aussi. Bonjour. Oui. Salut bonjour. Eric. Bonjour. On t'écoute. Bonjour Cocteau. Salut Eric. Bon, et ben je voulais vous dire comme quoi que vous êtes merveilleux. Et merci. Puis que ça va faire un grand vide. Bon. On espère quand même un peu qu'on va manquer à des gens quoi. Si, ça va faire un grand vide. Et puis comme vous, eh ben, je vous souhaite une bonne année à l'avance. Et puis ainsi qu'à tous mes amis. Ok. Et puis une bonne chance pour la suite. Où est-ce que tu habites Eric? À Chambourcy. Chambourcy. Oh oui. Bon, elle était facile. Ouais. En plus, on lui a jamais fait, je suis sûr. J'aime cet humour de Kim Honor, moi. Passez une bonne nuit, Eric. Reste branché, on est là jusqu'à perpète. Salut, Eric. Salut, Eric. Salut, David. Salut. Ouais, salut, David. Ça va? C'est à toi. Tout va bien, nous. On est un peu tricks, mais on fait les cons, donc tout va bien. Eh ben, nous aussi, j'ai envie de dire des trucs méchants, mais je les dirai pas. Je dirai juste merci à tous les gens qui ont bossé un maximum. Parce que c'est vraiment super cool. Merci à Pat, merci à Cocteau, à Joachim, à Fabrice, à Dom Dom, à Eric Oville, à Michael. Il connaît tout le monde. Eric, maintenant, à tout le monde, parce que c'est vraiment géniaux. Et ça va faire un grand vide. Et les trucs méchants, je dirais pas. C'est tout. Ok. C'est super cool. Et puis, juste un petit mot, petit homme, petite femme, bat-toi. Salut à toi, David. Salut. Catherine Laurence, on vous explique. Parce que Catherine Laurence, les news, il est moins de la plus info. Catherine Laurence, elle bonjour. Est plus géniale. Comment elle va? Je crois que je vais être short là. Tu vas quoi? Je vais être short. Tu vas être short. Tu vas être short. Au niveau du double. Au niveau du double X. Attention, Catherine Laurence. Le flash info. Il est moins de le plus info, Catherine Laurence. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et ben, ce soir, c'est vraiment du direct. Comme d'habitude, c'était toujours du direct. C'est vachement dur, les mecs. Ouais. C'est une. C'est drôle. Ça fait drôle, hein? Ah ouais, non, c'est vraiment. Parce qu'elle avait pas le track devant le micro, mais au téléphone, elle a vachement le track. C'est pas pareil. Et puis, je sais pas, là, on est là avec Carole. Donc, Carole, les auditeurs ne savent pas, mais vous savez tout ce qu'il sait. Ouais. Et puis, depuis tout à l'heure, on vous écoute. On a mal au ventre, on pleure, on rit, on se rappelle plein de trucs. C'est avec les anciennes promotions quoi. Et tout ça, ouais. Ouais. Non, mais c'était des fous rires. C'était. L'aventure à son maximum. L'aventure à son maximum. C'était ça. C'était génial. Quoi. Ouais. Une anecdote à propos de Maximum, Catherine? Quelque chose, un souvenir précis? Non, c'était, je crois, des fous rires, quoi. Des grands moments de récréation dans une ambiance quand même sérieuse. Et les soirées? Et des soirées destroy ou avec certaines personnes qui sont dans le studio. On rentrait du boy complètement déchiré, mais on assurait à l'antenne quand même. On était dans le pâté, mais on était là, les mecs. Mettez au max, attends. Oui, bah alors au nord, il fera pas très beau. Puis au sud, il y aura des nuages. Et puis on va laisser la musique quand même aussi. Catherine, puis, on embrasse. Ouais, on embrasse Carole aussi. On embrasse tous. Parce qu'elle nous manque. Passe Carole. Elle nous manque aussi. Ouais, elle vous manque aussi. Ouais. Carole. La musique. Bonsoir les poules. La musique. On vous embrasse les nanas. Salut. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Vous êtes sur Maximum.